La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comprendre ce qu'expliquer veut dire. Il n'est pas trop tard pour que je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et très heureuse année 2020 à l'écoute de temps en temps de France Culture. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce qu'expliquer veut dire. D'où provient telle chose? Quelle est la cause de ceci ou de cela? Comment pareil événement a-t-il pu se produire? Comment expliquer tel phénomène étrange? Chaque fois qu'on tente de répondre à ce genre de questions, on voit se mettre en place un chemin vers l'abîme, vers un puits sans fond. Car on ne peut expliquer un événement qu'en lui ajoutant sa propre antériorité et ainsi de suite. Quelques points de départ qu'on choisisse, quelques cuisses de Jupiter qu'on mette en avant, ils n'apparaissent chaque fois comme n'étant ni de véritables fondements, ni d'authentiques causes, puisqu'ils demandent à être eux-mêmes fondés. Au nom de la causalité même, toute cause dont on se sert pour expliquer doit être elle-même considérée comme l'effet d'une autre cause. À chaque nouveau pas explicatif, il faut donc invoquer une nouvelle cuisse de Jupiter, puis une autre et ainsi de suite, sans jamais mettre la main sur la cuisse originelle, la matrice initiale de toutes les cuisses ultérieures. Bref, il faut renoncer à l'idée d'une explication ultime. Sauf peut-être si l'on pose une cause première. Une cause qui n'a pas à être elle-même fondée, une cause qui serait cause d'elle-même en quelque sorte. Mais en interrompant ainsi la chaîne causale, ne subvertit-on pas l'idée même d'explication? Pour discuter de ces questions qui sont vives et espérer comprendre ce qu'expliquer veut dire, je me suis dit que je devais trouver une personne d'expérience, une personne qui a été chercheur, mais qui a aussi fait travailler ensemble des chercheurs de disciplines différentes et qui a ainsi pu analyser les différents modes d'explication des uns et des autres, dont on devine qu'ils ne sont pas les mêmes selon qu'on est physicien, biologiste, sociologue, historien, philosophe ou théologien. Cette personne, j'ai fini par la trouver. Il s'appelle Vincent Berger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, vous avez été président de l'Université Paris Diderot, vous avez été rapporteur en 2012 des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, puis vous avez été conseiller éducation, enseignement supérieur et recherche auprès du président François Hollande, et vous avez ensuite dirigé le pôle recherche fondamentale, la DRF, Direction de la Recherche Fondamentale ou CEA. Bref, vous avez côtoyé toutes sortes de gens qui cherchent à expliquer, et vous en avez tiré de précieux enseignements. Alors, avant de vous interroger sur ce que veut dire expliquer, je sais que vous avez bien connu Claude Cohen-Tanoudji, vous avez été élève de l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm, et quel souvenir vous a le plus marqué dans vos interactions avec le prix Nobel de physique Claude Cohen-Tanoudji? Alors à l'époque, il n'était pas encore prix Nobel. Mon plus ancien souvenir, c'était quand je suis arrivé à l'École Normale, où la première expérience que j'ai vue, puisque quand on venait de classe préparatoire, on n'avait jamais vu d'expérience. L'expérience de physique. C'était l'expérience des atomes froids de Claude Cohen-Tanoudji. Il y avait des lasers partout et c'était extrêmement impressionnant. Donc ça m'a beaucoup marqué. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a décidé à faire de la physique à l'époque, puisque j'étais plutôt mathématicien avant. Alors il y a une autre anecdote dont je me rappelle avec Claude Cohen-Tanoudji. C'était, je crois, un pot de départ. Alors est-ce que c'était un pot de départ en retraite ou enfin une cérémonie en l'honneur de Claude Cohen-Tanoudji, où l'orateur qui faisait un discours pour célébrer sa personne a dit, ce qui est extraordinaire avec Claude Cohen-Tanoudji, c'est qu'il est tellement intelligent. Et puis ce qui est extraordinaire avec Claude Cohen-Tanoudji, c'est qu'il est tellement gentil. Et Heisenberg n'interdit pas ça. Ce qui est encore plus extraordinaire. Voilà. Bon, en fait, on va le recevoir parce qu'il vient de publier une sorte d'autobiographie aux éditions Odile Jacob. Et ça nous amène donc à cette question de l'explication qui a passionné le chercheur qui a été Claude Cohen-Tanoudji et qui vous a passionné également. Étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire expliquer? Alors expliquer, ça vient du latin ex et plicare, plier, enrouler, c'est-à-dire que ça renvoie, en première analyse, à une notion de dépliement. Donc quand on explique, on déroule, on déroule une séquence, on déplie quelque chose. Mais ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que c'est pas seulement une chronique une explication ou un récit. Si un juge vous demande « Mais pourquoi vous avez commis ce meurtre ? Expliquez-moi. » Vous pouvez pas vous contenter de lui raconter la chronique « À 15h, je suis arrivé, à 15h05, je l'ai tué. » Non, il faut donner une raison, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de cohérence, des éléments de raison et de compréhension du rationnel dans ce récit. Ça, c'est fondamental dans l'explication. Donc ça comprend une dimension d'analyse qu'il n'y a pas forcément dans le mot « comprendre », parce que comprendre, par définition, c'est prendre ensemble, tout mettre ensemble. Alors ça que comprend... dans l'explication, il y a plutôt une analyse des différentes séquences. Et... Ça comprend une notion d'analyse, et ce qui est important, c'est qu'il faut obtenir l'adhésion de l'autre. C'est-à-dire que une explication, et ça c'est vraiment très important, elle n'est pas valable en soi, en elle-même. Il faut convaincre l'autre, et donc ça veut dire qu'une explication, elle va être située. Parce qu'on n'explique pas la même chose quand on s'adresse à un enfant de 8 ans ou qu'on s'adresse à un étudiant de master. Vous voulez dire que l'explication a toujours une dimension pédagogique ? L'explication a toujours une dimension éthique. On s'adresse à quelqu'un... Mais si j'explique un phénomène, par exemple, d'où vient que le soleil émet de la lumière, je peux l'expliquer par les lois physiques sans avoir besoin de l'expliquer à quelqu'un ? Non, justement. C'est ça le point fondamental, c'est que s'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas d'explication, en fait. Et on peut même aller plus loin. S'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de pensée. C'est Kant qui dit ça. Si on n'a pas besoin de l'autre, on n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de penser. Et donc, ça, c'est une idée absolument fondamentale. L'explication est créatrice de liens sociaux. Elle suppose une interaction et elle la crée. En fait, si on se cherche à se poser la question, pourquoi on s'explique finalement des choses ? La dimension intersubjective est absolument essentielle. D'ailleurs, elle apparaît dans certains termes du mot expliquer, dans certaines significations du mot expliquer. Si vous me dites, expliquez-moi pourquoi vous êtes arrivé en retard. Vous voyez bien qu'il y a tout de suite une dimension intersubjective forte. Il y a presque un conflit. Il faut que je me justifie. Et puis, il y a d'autres dimensions, par exemple, dans la forme pronominale, s'expliquer. Viens, on va s'expliquer à la récré. Ça, c'est autre chose. C'est plus tendu. Alors là, ça devient tendu. Oui, là, on est proche de la querelle, hein, voire de l'empoignade. Mais ça montre bien la dimension intersubjective qu'il y a dans l'explication. Mais quand on dit on va s'expliquer, on n'a pas l'intention d'expliquer quoi que ce soit. On a plutôt l'intention de se confronter. Ah, ça dépend, oui, mais il y a une idée de confrontation dans l'explication. Il va falloir... C'est pas une preuve, une explication. Une preuve, elle est valable en soi. Une preuve est une preuve. On prouve pas une preuve, d'ailleurs. On donne une preuve. Alors qu'une explication, ça suppose un autre qui doit être convaincu, qui doit adhérer. Et c'est cette dimension éthique qui la différencie de la démonstration. Alors ça me surprend, parce que moi je ne pensais pas que l'explication était liée forcément à l'interaction avec quelqu'un qui n'avait pas cette dimension éthique dont vous parlez. Mais ce que vous dites me rappelle ce qu'avait dit à ce micro il y a quelques années Michel Meyer, un philosophe de l'Université de Bruxelles, qui avait dit ceci: la rhétorique est la négociation de la distance entre les individus à propos d'une question. Est-ce que c'est ça, expliquer, c'est essayer de réduire la distance qui peut opposer, sur une question donnée, deux individus a priori ? Oui, je crois que expliquer, c'est se rapprocher de l'autre et c'est partager quelque chose, partager une compréhension du monde avec l'autre. Et arriver à se mettre presque d'accord. Oui, entrer en résonance avec l'autre. Il y a différents éléments qui peuvent créer du lien social. Il y a l'émotion esthétique, il y a le langage. Mais l'explication en est une. La religion, par exemple, a créé beaucoup de liens sociaux parce qu'elle a offert une explication du monde qui a fait adhérer, qui a été partagée par un grand nombre de gens. Alors, si on parle maintenant de l'explication scientifique, est-ce qu'elle est la même selon les différentes disciplines ? Est-ce qu'un physicien, par exemple, qui explique un phénomène en invoquant, par exemple, des lois physiques qui sont mathématisées, procède de la même façon qu'un biologiste qui, lui, n'a pas l'équivalent d'un formalisme mathématique à sa disposition ? Non. Alors, c'est vrai que les explications dépendent des disciplines pour des raisons de culture, les disciplines ont différentes cultures, et aussi pour des raisons de complexité des phénomènes qu'on cherche à expliquer. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur des mathématiques, par exemple, on a des explications qui peuvent atteindre un degré de confiance qui est égal à 1. Quoi. On peut vraiment, on est là proche de la démonstration. On démontre, absolument. De la démonstration, il n'y a pas de doute. Quand on est en physique, on va beaucoup chercher à faire référence à des lois, à de l'universalité. Quand vous allez dans Wikipédia, vous avez une catégorie qui s'appelle loi en physique où il y a 74 entrées. Quand vous cherchez loi en biologie, à part les lois de Mendel, vous avez pas grand-chose en fait. Parce que voilà, le physicien, lui, il cherche à aller dans le monde mathématique, puis à revenir dans le réel et à traduire tout ce qu'il peut expliquer par des lois universelles, partout et toujours. Alors que le biologiste est beaucoup plus ancré dans la singularité, dans l'observation d'ailleurs. Historiquement, la biologie est une science de l'observation, beaucoup plus que la physique. Et donc ça modifie, ça crée un habitus épistémique dans les différentes disciplines qui n'a rien à voir. Et puis vous avez toutes les disciplines plus complexes, si on peut dire. On passe continuellement des sciences très dures aux sciences qu'on qualifie parfois de molles, où l'explication peut être contestée si, par exemple, vous voulez expliquer pourquoi Trump a gagné les élections. Bon, vous avez des tas d'arguments qui peuvent être opposés, qui peuvent être ajustés, mais vous voyez qu'on est loin de la preuve, on est loin de la démonstration, là. Donc, parce qu'on est dans des sciences humaines, des sciences complexes. D'autant plus que beaucoup avaient prévu qu'il ne serait pas élu. D'autant plus que beaucoup avaient prévu qu'il ne serait pas élu. Voilà, c'est pareil en économie, c'est pareil en sociologie. On peut quantifier beaucoup de choses, on peut essayer parfois de trouver des lois, mais quand même, on est dans le domaine du complexe. Mais je crois qu'il ne faut pas séparer l'explication scientifique de l'explication quotidienne ou de l'explication des phénomènes complexes. On passe continuellement de l'un à l'autre et on a des degrés de confiance qui varient et des cultures aussi, parce que les disciplines, c'est différentes cultures. Chaque discipline a ses héros, ses lieux mythiques, ses conférences et ses habitudes et sa culture. Mais quand même, la physique, si on prend la physique moderne, disons depuis Galilée, elle explique certains phénomènes à partir de lois qui ne sont pas déduites de l'observation directement. Et donc, on a l'impression que l'observation ne suffit pas pour comprendre. Si on prend l'exemple de... Je sais pas, par exemple, le principe d'inertie de Galilée, qui dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme, il énonce là une loi, donc il n'existe pas de contrepartie dans la vie courante. Il y a une expérience de la pensée, quand même. Une expérience de la pensée, mais qui contredit l'expérience de la vie quotidienne. On ne voit que des mouvements qui s'amortissent ou qui sont... Qui contredit l'intuition, en tout cas. Oui. Alors ça, c'est une difficulté, effectivement. Alors qu'aujourd'hui, il me semble que l'intuition est souvent un argument qu'on peut revendiquer quand il s'agit d'expliquer un phénomène. Oui, alors effectivement, c'est une difficulté parce que quand ça contredit l'intuition, ça veut dire qu'il faut faire un effort plus important pour obtenir l'adhésion de l'autre. Parce que comme on le disait au début, expliquer, c'est communiquer du compréhensible et donc c'est obtenir l'adhésion de l'autre. Et donc, vous avez cité Galilée, mais on parlait tout à l'heure de la physique quantique. En physique quantique, on contredit encore l'intuition beaucoup plus. Là, vraiment, on atteint des niveaux de difficulté à adhérer qui sont fortes, puisque quand même, on a des gens comme Einstein, par exemple, lui-même, qui a pas complètement adhéré à la physique quantique. Et donc là, ça demande des efforts pour expliquer qui sont plus importants et qui n'ont pas d'ailleurs été toujours au rendez-vous. Moi, je dirais plutôt que Vincent Berger, qu'Einstein, il adhérait à la physique quantique au sens où il ne remettait pas en cause son efficacité, mais il n'adhérait pas à l'idée que la nature adhère à la physique quantique. Oui, en tout cas, il pensait qu'elle n'était pas complètement. On n'avait pas complètement terminé d'expliquer les travail, choses. Voilà, on n'avait pas complètement terminé le travail. Ouais. Donc, et puis bon, si on continue sur la physique quantique, il y a eu quand même des prises de position où même les physiciens disaient que c'est pas la peine d'expliquer. C'est le fameux David Mermin, shut up and calculate. C'est quand même une tais-toi et calcule, ce qui est quand même une démission justement de l'explication. C'est pas au fond, c'est pas grave si on comprend pas. Ça fonctionne. On fait des iPhones et des bombes atomiques et on s'en fout si on comprend pas. Et donc là, c'est quand même un problème parce que ça veut dire que la physique a démissionné de son rôle justement de créateur de liens sociaux. elle se contente, alors même on peut dire que fabriquer des iPhones c'est créer du lien social, mais créateur du lien social par justement la notion d'épistémé, la notion de partager du compréhensible du monde, et là elle démissionne. Vous voulez dire que la physique quantique, tant qu'elle n'est pas vraiment comprise, tant qu'on ne comprend pas la correspondance qu'il y a entre les équations qu'on peut écrire dans des espaces abstraits et puis le monde empirique dans lequel nous vivons, démissionne de la mission que les physiciens devraient remplir? Non, elle démissionne quand elle refuse d'expliquer. Quand elle dit... C'est pas qu'elle refuse, c'est que les gens ont du mal à comprendre ce qu'elle implique. Parfois, elle refuse. Quand Schrödinger dit, par exemple, peu importe que ma théorie soit exacte pourvu qu'elle soit utile. Quand même, il y a une forme de provocation, souvent, chez les physiciens quantiques, à dire on n'y comprend rien. Feynman lui-même, je peux dire que personne ne comprend la physique quantique. Provocation qui a d'ailleurs généré des réactions. Il a vraiment dit ça, Schrödinger, Vincent Berger? Schrödinger a dit peu importe que la théorie soit exacte pourvu qu'elle soit utile. Mais en tout cas, il a dit aussi, et ça me semble contredire ce propos, il a dit ceci, le silence absolu de toutes nos recherches scientifiques à l'égard de nos questions concernant la signification et la portée de la totalité du déploiement est extrêmement pénible. Ah oui. Donc il souffrait fait qu'on n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est possible, oui, c'est possible. Oui. Mais il faut, même si c'est difficile d'expliquer la physique quantique, il ne faut pas démissionner de cette affaire-là. Et il faut surtout se rendre compte de ce qu'il y a d'arrogant parfois à vouloir dire « j'ai raison, c'est comme ça, et c'est pas autrement ». Il faut prendre le soin de s'adresser à l'autre. Et il y a d'ailleurs des philosophes, Hannah Arendt, Simone Weil, ont beaucoup réagi à cette époque-là, parce qu'elles étaient ulcérées, en fait, indignées de l'arrogance de la science moderne. Simone Weil qui écrit, par exemple, on peut écrire n'importe quoi, « le papier supporte tout ». Ce qui est quand même une espèce d'indignation finalement à la fin. René Thom aussi, il n'y a pas que des philosophes, hein, les scientifiques. René Thom, prédire n'est pas expliqué, qui dit que la physique quantique c'est le scandale du XXe siècle. Parce qu'elle prédit, mais elle n'explique rien. Parce qu'elle prédit, non seulement elle n'explique rien, mais elle cherche pas. Il y a une espèce de démission, c'est ça aussi. C'est pas grave si on n'arrive pas à expliquer, parce que du moment que ça marche, non, du moment que c'est conforme, du moment qu'il y a la conformité aux observables, c'est bon. Mais ça ne suffit pas, en fait. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont essayé de la compléter pour qu'elle soit plus explicative, justement, en mettant des variables cachées. Oui, alors il y a eu des... Il y a des experts de physique qui ont montré que certaines pistes ne pouvaient pas être suivies parce qu'elles étaient démenties par l'expérience. Oui, non, bien sûr, il faut donc pas... Donc il n'y a pas eu de démission des physiciens. Au contraire, il y a eu un investissement dans la question de qu'est-ce qu'elle signifie, qui a abouti à des résultats difficiles eux-mêmes à penser, mais qui ont été quand même le résultat d'un gros travail. Oui, bien sûr, mais il y a parfois, il faut se méfier parfois d'une certaine arrogance qui peut arriver de la science. Par exemple, je lisais il n'y a pas si longtemps sur Internet le site web de la Max Planck Gesellschaft en Allemagne, donc l'équivalent du CNRS en quelque sorte allemand, où leur motto, leur principe affiché, c'était « Knowledge is everything ». En allemand, Wissen ist alles. Rien que ça. Le savoir. Alors voilà, justement, c'est intéressant parce que quand on traduit en français, c'est effrayant parce que du coup, on a everything en anglais, alles en allemand, mais quand on traduit en français, on a tout. Et donc la totalité apparaît immédiatement. Mais non, la connaissance n'est pas tout. Et la musique, alors, et la poésie, et la peur, et l'amour. Donc tout ce qui fait la singularité humaine disparaît. Dans ce slogan, et il y a quelque chose d'effrayant, effectivement, quand vous le traduisez en français, la connaissance c'est tout. On voit la totalité apparaître, et c'est Lévinas qui dit la totalité c'est quand la raison l'emporte sur la singularité humaine. Et donc, il y a un risque d'arrogance de la science dont il faut avoir conscience. C'est une difficulté pour les scientifiques, parce qu'il faut faire des efforts pour convaincre, pour partager, pour communiquer du compréhensible. Mais Vincent Berger, si on prétendait comprendre la physique quantique et si on disait voilà, on a compris et voilà ce qu'elle implique, est-ce qu'on serait pas plus arrogant que lorsqu'on dit elle fonctionne, nous savons comment utiliser ces équations, jamais l'expérience n'a contredit les prédictions associées à ces calculs, mais nous ne savons pas dire ce qu'elle nous dit du monde. Est-ce que ça, c'est pas moins arrogant que de dire on a tout compris? Effectivement, c'est moins arrogant. Mais c'est un peu ce que disait Nietzsche d'ailleurs. La science, c'est bien parce que c'est une interprétation du monde qui est conforme aux observables, mais ça n'est pas tout. ça laisse de côté tout un tas de choses du monde, comme on l'a dit précédemment. Mais c'est pas du tout la même chose que Shut Up and Calculate. D'ailleurs, Shut Up and Calculate, c'est violent. Parce qu'il y a, mais il faut aussi comprendre ce que ça veut dire aux gens qui savent pas calculer, qui connaissent pas les équations de la physique quantique, ça veut juste leur dire shut up, quoi. Mais est-ce que ce qu'on appelle le big data aujourd'hui, ou l'intelligence artificielle, ne vient pas changer les modes d'explication? Justement, l'analyse des données nous donne des résultats, des corrélations, par exemple, qu'on ne comprend pas, on ne sait pas dire comment ces machines ont obtenu les résultats qu'elles nous proposent. En fait, elles n'expliquent rien. Mais nous apprennent des choses. Elles n'expliquent rien. Et justement, elles ont un problème, parce qu'elles ont du mal à inspirer confiance. On voit bien le problème qu'il y a dans l'intelligence artificielle. C'est qu'on a un résultat, mais si on ne sait pas l'expliquer, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Sans explication, il n'y a pas de pensée. Parce que sans explication, dans un logiciel d'intelligence artificielle, les gens n'ont pas confiance. L'explication crée de la confiance, crée du lien social et crée de la confiance. Et donc ce déficit d'explicabilité de l'intelligence artificielle lui crée un problème. Est-ce qu'à votre avis, les expériences de pensée que font les scientifiques, notamment les physiciens, ils inventent des stratagèmes intellectuels pour que le monde décoïncide avec ce qu'ils nous montrent? Qu'est-ce qui se passerait si? Et cette démarche a été très féconde pour trouver des lois physiques. Oui. Est-ce que vous pensez que des algorithmes pourront interroger, comme l'ont fait des grands physiciens dans le passé, leurs propres données, leurs propres résultats pour les critiquer et les amener à... C'est un peu tôt, en fait, pour répondre. Et puis, je suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle. Il faut attendre que l'intelligence artificielle se développe, qu'elle soit finalement acceptée, appréhendée par tout le monde. Et puis, je pense que les spécialistes d'intelligence artificielle sont en train de développer des gros efforts pour expliquer justement ce qui se passe dans leur machine. C'est nécessaire. Alors venons-en, Vincent Merger, à l'explication générale. Quel est le lien que vous faites, que vous voyez plutôt apparaître entre la notion d'explication et celle de cause? Est-ce qu'expliquer, c'est trouver les causes et l'enchaînement des causes? Ou est-ce qu'on peut expliquer sans invoquer de causes? Non, on a besoin de causes. Tout à l'heure, je parlais de cohérence et de rationnel. Mais c'est un besoin pour nous. Mais en fait... Quelque part, la chaîne des pourquoi, elle se termine jamais. Hein. Vous savez, c'est la fameuse chaîne des pourquoi. Lucrèce déjà parlait de la succession infinie des causes. Hein. C'est un problème très ancien. Et puis Spinoza raconte une tuile est tombée de ce toit sur la tête de cet homme. Pourquoi la tuile est tombée? Parce que le vent a soufflé. Pourquoi le vent a soufflé? Parce que la mer est agitée. Pourquoi la mer est agitée, etc. Et il dit, on ne cessera de vous demander la cause, jusqu'à ce que vous recouriez à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à l'asile de l'ignorance. C'est-à-dire que la chaîne des pourquoi, c'est l'enfant qui pose toujours les questions. Mais pourquoi si? On lui répond, mais pourquoi là? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et à la fin, on se rend compte qu'on termine soit par la métaphysique, soit par l'ignorance. Ce qui est la même chose pour Spinoza. Et à l'enfant, c'est là qu'on répond, parce que c'est comme ça. Parce que quand on en a marre, quand même, au bout d'un moment qu'on a répondu aux questions pourquoi, on lui dit, parce que c'est comme ça. Voilà. Alors donc on voit bien que l'explication, elle n'a pas de socle, en fait. C'est comme une corde de rappel. Hein, vous revenez de la montagne, là, on en discutait avant l'émission. C'est comme une corde de rappel qui se termine dans le vide, puisque on a une succession de causes et puis à la fin il y a rien, il y a pas de socle. Et donc ça veut dire qu'il y a pas d'explication finalement causale solide qui aille jusqu'au bout. C'est quand même un problème. Mais est-ce que justement la notion de cause ou de causalité ne s'est pas dissoute dans l'idée même de loi? Par exemple, on dit comment les corps tombent. À cause de la gravitation, enfin sous l'effet des lois de la gravitation, sans dire d'où vient la gravitation. Donc la cause de la gravitation est oubliée par le fait que la loi qui la décrit nous suffit pour comprendre les phénomènes. C'est un peu un masque. Et en fait, c'est-à-dire que on dit les explications n'ont pas de bout, de socle, de fin. Il y a toujours un pourquoi. Sauf qu'on accepte quand même les explications. Et on les accepte pourquoi? Parce que dans la culture justement de chaque discipline, il y a des frontières qu'on accepte, parce que c'est comme ça, et qui vont dépendre des disciplines, mais qui vont aussi dépendre de l'auditeur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où toute discipline arrête son questionnement. Oui, par exemple, si je prends un exemple, si un biologiste veut expliquer comment on passe de l'ADN à la fabrication des protéines, bon, qui va expliquer l'ADN, l'ARN qui traverse la membrane et puis qui va être responsable de la fabrication des protéines. Donc il explique ça, il explique la molécule d'ADN, l'adénine, la guanine, cytosine, thymine. Et puis s'il y a un élève qui lui demande, mais vous nous parlez de quatre molécules là, mais pourquoi elles sont stables? Pourquoi elles existent? Et pourquoi elles se dissolvent pas finalement en bouillie d'atomes, puisqu'il y a plein de choses dans le noyau de la cellule? Le prof de biologie, il pourrait dire, ah, pourquoi elles sont stables? Bah, on va faire un calcul de chimie quantique. Voilà, il y a l'interaction coulombienne entre les noyaux qui composent la molécule, qui fait que cette molécule se révèle stable. Mais alors l'étudiant pourrait lui dire, mais vous nous parlez de noyaux là, mais pourquoi les noyaux sont stables? Alors le prof pourrait se mettre à dire, ah ben attendez, on va faire un calcul de chromodynamique quantique, etc. Mais on voit bien qu'il fait pas ça. Le prof de biologie, il dit, la molécule d'adénine, elle existe parce que c'est comme ça. Et donc il arrête la chaîne des pourquoi, et c'est accepté parce que, c'est-à-dire qu'il y a un terrain de l'explication, un peu comme quand on joue au foot sur la plage, on trace des lignes et on se dit, bah si on dépasse, il y a touche. Bah, il y a un terrain d'explication qui dépend de la discipline et on se dit, bah là on s'arrête. C'est comme c'est un fait culturel. Qui décrit la gravitation par les équations d'Einstein, mais qui ne peut pas répondre à la question de savoir pourquoi la gravitation est décrite par ces équations et pourquoi elle est telle que nous voyons qu'elle est. Ouais. C'est ça. C'est aussi quand Laplace répond à Napoléon, Sire, je me passe de cette hypothèse. Quand Napoléon lui dit, Laplace fait son explication de la mécanique céleste, et Napoléon lui dit, mais enfin, et Dieu dans tout ça, il lui dit, bah, j'en ai pas besoin. Parce que simplement, il arrête l'explication en disant, voilà, il y a des planètes, elles tournent, on utilise l'équation de Newton, etc. On peut comprendre leur trajectoire, et j'ai pas besoin de Dieu pour expliquer ça, je m'arrête là. Mais on parlait de physique quantique tout à l'heure, Vincent Berger. En physique quantique, l'idée même de cause a pris du plomb dans l'aile, puisque on a des lois, le déterminisme est abandonné. Et est-ce qu'on peut pas dire, comme le disait d'ailleurs Bertrand Russell, un grand logicien et mathématicien du XXe siècle, il en va du concept de cause comme de la monarchie anglaise, à savoir qu'on ne l'a laissé survivre que parce qu'on suppose à tort qu'elle ne fait pas de dégâts. Oui, on a besoin de la cause pour se raconter notre histoire, pour se raconter l'explication. Ça, c'est un besoin très fondamental. Piaget, d'ailleurs, les didacticiens ont montré que l'enfant a besoin qu'on lui raconte, qu'on lui explique finalement les choses avec une succession relations de cause à effet entre les événements. Donc c'est pour ça que dans notre modalité d'explication, on a besoin des causes. Après, c'est vrai que c'est quand même une modalité humaine, notre façon de s'expliquer les choses, mais il y a eu des tentatives dans l'histoire de se passer de la causalité, notamment les philosophes du cercle de Vienne qui ont développé certaines théories de l'explication, comme la théorie des N. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais finalement on a des lois, on a des conditions initiales, et de ces lois et de ces conditions initiales on déduit les conditions finales. Et donc expliquer pour eux, c'est ramener à des lois. Et d'ailleurs, c'est réversible. C'est-à-dire que si vous donnez les conditions finales, vous avez les lois, vous retournez en arrière, et vous avez les conditions initiales. Sauf que la vie, c'est pas comme ça. Et ça, cette causalité, cette réversibilité qui se passe de causalité, c'est ce qui amenait Mack à dire la causalité n'existe pas, la nature n'existe qu'une seule fois. Parce que finalement, si on dit que tout n'est fait que par des équations qui régissent l'évolution spatio-temporelle des choses, bah voilà, il y a une nature et puis c'est tout. Il n'y a pas de causalité. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et c'est pas réversible. Par exemple, si vous dites le baromètre baisse, il y a de l'orage. Vous n'allez pas dire qu'il y a de l'orage parce que le baromètre baisse. Vous allez dire que le baromètre baisse parce qu'il y a un temps orageux. Donc il y a bien un sens. Il n'y a pas une réversibilité des différentes observables. Et vous pouvez avoir comme ça des tas d'exemples qui échappent à la réduction à des lois, et où l'explication échappe à la réduction à des lois. Si par exemple je vous dis, vous me dites pourquoi il y a du ketchup, il y a une trace rouge sur votre chemise. Je vous dis, ah ben voilà, j'ai été prendre un sandwich. Je précise quand même que c'est faux. J'ai été prendre un sandwich, et puis quand j'ai mordu dans le sandwich, le ketchup a giclé sur ma chemise, et puis je suis pas arrivé, en lavant ma chemise, je suis pas arrivé à effacer la tache. Bon. C'est une explication. C'est une explication qui est valable Mais pourtant, il n'y a aucune loi qui peut expliquer que quand on mord dans un sandwich, le ketchup gicle, qu'on ne peut pas effacer la tache, tout ça, ce n'est pas réductible à des lois. Mais, donc ça veut dire que les explications ne sont pas si facilement réductibles à des lois, notamment quand on arrive dans le complexe. Et c'est le cas notamment dans toutes les sciences humaines. Mais si je dis par exemple, il y a du ketchup sur ma chemise parce que c'est comme ça, ça ne vous aura pas explication. Et pourtant, c'est le titre de la chanson que vous avez choisi pour illustrer votre propos. Scientifique. Étienne Klein. Vincent Berger, vous avez choisi C'est comme ça d'Erita Mitsuko. On comprend pourquoi, mais il y a peut-être d'autres explications oui. à ce choix. Voilà. Bah, c'est comme ça, oui, parce que c'est la pétition de principe la plus courte qui soit, quoi. C'est vraiment l'argument autocirculaire qui n'explique rien, en fait. C'est comme ça clôt le débat, ça n'explique rien. On l'utilise malgré tout beaucoup parce que des fois on n'a que ça à dire finalement et c'est un aveu d'ignorance. Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson aussi, c'est parce que bah, c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que j'avais 19 ans je crois, ou 18 ou 19 ans quand elle est sortie et puis on était étudiants et on aimait bien danser de temps en temps pour se défouler et c'est une chanson qui est propice à ça parce que ça démarre avec une énergie qui est extraordinaire et la voix de Catherine Ringer qui est aussi fantastique. Alors on revient à cette grande question de l'explication qui me semble avoir un lien avec l'idée de vérité. Enfin, expliquer, c'est se rapprocher de la vérité qui est derrière un processus observé. Or, l'idée de vérité est entrée en crise pour toutes sortes de raisons. Par exemple, l'assurance cartésienne de trouver dans l'évidence de la conscience de soi les sources mêmes de toute assurance possible s'est effondrée. Et on a apporté à ça deux grandes réponses. La première, c'est le nihilisme, qui affirme que plus aucune réponse n'est possible, sauf paradoxalement cette réponse qui dit qu'aucune réponse n'est possible. Et puis la deuxième possibilité, c'est le positivisme, qui fait de la science le modèle de toute réponse possible, sans voir que cette réponse elle-même n'est pas scientifique. Autrement dit, vous avez parlé tout à l'heure de l'arrogance des scientifiques, mais quand même, on est d'accord pour dire qu'ils obtiennent des résultats expérimentaux ou explicatifs, qui ne sont pas trouvables par d'autres modes d'explication ou par d'autres démarches de connaissance. Donc il y a bien quelque chose dans les résultats scientifiques qui les distingue de l'opinion commune. Oui, en fait, il y a deux pièges. Il y a effectivement d'un côté le risque d'arrogance des scientifiques. Tous les scientifiques sont pas arrogants quand même, mais il y a un risque, effectivement, parce que la vérité, c'est ce que dit bien Hannah Arendt d'ailleurs, la vérité porte en elle-même un caractère despotique. Donc il faut faire attention avec la vérité, parce que si on déclare que quelque chose est vrai, c'est terminé, il n'y a plus de débat. Et donc ça provoque une réaction de contradiction. Donc il faut se méfier de ça, il y a un risque d'arrogance, mais d'un autre côté, tout ne se vaut pas, il faut pas tomber non plus dans le relativisme ou dans le pluralisme. Non, il y a des énoncés qui sont faux quand même. Hein. Et donc il faut savoir faire la part des choses. C'est pour ça que j'utilisais tout à l'heure la notion de degré de confiance, c'est-à-dire que il y a des énoncés qui ont un degré de confiance égal à 1. Si on dit que 2 plus 2 égale 4, 4 plus 1 égale 5, ben on peut dire que 2 plus 2 plus 1 égale 5. Ça, c'est un degré de confiance qui est égal à 1. Il y a des énoncés qui ont un degré de confiance très très très proche de 1. Par exemple, si je dis le soleil va se lever demain matin. Bon. Ça peut pas être quand même induit logiquement. Hein. Il faut quand même attendre de voir. Il faut quand même attendre de voir parce que c'est Hume hein, qui explique bien ça. C'est l'habitude, et on a quand même une grosse habitude des soleils qui se lèvent le matin, donc bon, on est tenté de penser que ça va continuer comme ça, mais c'est un degré de confiance donc qui est très très proche de 1, même si l'induction ne peut pas être logiquement justifiée. Et puis, il y a des énoncés qui ont des degrés de confiance très très très proches de 1 aussi, si par exemple l'existence des chambres à gaz, par exemple. Bon, bah, il y a eu énormément de témoins. D'abord, il y a des déportés qui sont revenus, qui ont raconté. Il y a des déportés qui sont parvenus, qui sont plus là. Il y a des soldats américains qui ont vu, qui ont photographié. Il y a des soldats russes, donc d'autres sources qui ont vu, qui ont photographié. Il y a des Allemands qui ont avoué. Il y a eu des procès. Tout ça, ça fait une accumulation d'explications diverses, variées, etc., qui fait que il n'y a pas de doute possible sur l'énoncé concernant les chambres à gaz. Et donc, du coup, si quelqu'un vous dit les chambres à gaz n'ont pas existé, vous pouvez le disqualifier. Et vous ne devez pas dire, non, au nom du pluralisme, je vais faire parler tout le monde, je vais entendre les différents points de vue. Non. Sur le réchauffement climatique, c'est pareil. Alors, c'est intéressant, le réchauffement climatique, parce que ça a pris un petit peu de temps, parce qu'il y a peut-être quelques décennies, les scientifiques n'étaient pas tout à fait sûrs de l'origine anthropique du réchauffement climatique. Il y avait des débats. Et puis, au fur et à mesure des années, à la fin du siècle dernier, la communauté scientifique a fini par calculer les choses très proprement. Alors, ils ont mis un peu de temps parce que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de contributions au réchauffement climatique. Il faut tout calculer. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il y a une communauté scientifique très large avec des modèles différents, de scientifiques de pays différents, des climatologues qui ont tous les mêmes conclusions. Et donc, si quelqu'un vous dit « Oh non, en fait, le réchauffement climatique n'est pas dû à l'activité humaine », il est tellement minoritaire dans ce qu'il peut énoncer que vous pouvez le disqualifier. Ce n'est pas mais la pluralité de points de vue. Il est minoritaire, mais il peut être quand même très entendu et très relayé parce que ce qu'il dit correspond à ce qu'on a envie d'entendre. Alors c'est ça. Alors ça c'est la question de l'information. C'est que le problème de l'information, c'est qu'elle ne cherche pas l'explication, elle cherche l'excitation. Au fond, l'information, elle cherche l'excitation directe et primaire parce que c'est ce qui plaît. Et c'est en cela, elle est devenue un peu pornographique quelque part. C'est l'excitation directe et primaire, c'est de la pornographie. Et donc, face à ça, notamment au développement des modalités d'information qui sont de plus en plus rapides, ça aussi, ça a disqualifié un peu la science, a marginalisé la science. Elle ne peut plus argumenter. La science ne sait pas aller trop vite. Effectivement, si en 1980 on demandait à un climatologue si le réchauffement climatique était d'origine anthropique, il avait envie de dire, parce qu'il est sérieux, attendez, faut que je fasse les calculs proprement, parce que c'est quand même compliqué. Il a besoin de temps. Or aujourd'hui, l'information, elle s'est extraordinairement accélérée, les réseaux sociaux, mais tout le monde a été entraîné aussi là-dedans, et donc les scientifiques ont du mal à entrer, à communiquer aujourd'hui, et donc à expliquer, à communiquer leur compréhensible. Et donc face à ça, il faut développer le scepticisme, la distanciation, la suspension volontaire de la crédulité. l'art du doute. Oui, mais on ne peut pas non plus dire la science et le doute. C'est plutôt la recherche qui est le doute. Non, le doute quand on est face à une information. Faire la différence aussi entre la fiction et l'information. Il y a de plus en plus de mélange entre les deux. Disons que les connaissances, les croyances, les opinions, les commentaires circulent dans les mêmes canaux de communication. Oui. Et du coup, leurs statuts respectifs ont tendance à s'amalgamer, voilà, alors qu'ils sont très différents et c'est... par nature. Et face à cela, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est l'éducation. L'éducation où il faut prendre en profondeur des explications scientifiques, notamment expliquer l'histoire de leur genèse. Quand on parle des vaccins, par exemple, vraiment expliquer l'histoire. Qu'est-ce qu'on a fait avec les vaccins? Comment on a réussi à éradiquer certaines maladies? Et y passer du temps. Et peut-être que dans l'enseignement des sciences, on passe trop de temps à développer une culture livresque très très large et on n'approfondit pas assez des choses finalement anciennes. Et d'ailleurs, dans la formation scientifique aussi, on est souvent dans le sensationnel. On va parler de la dernière découverte sur l'ordinateur quantique de tel type, de tel truc, alors qu'en fait, personne n'y comprend rien. Non mais c'est ça, non, mais je veux dire. Donc, il faut pas hésiter à avoir de l'information scientifique ancienne, parce qu'elle n'est pas disqualifiée pour autant. Vous voulez dire, Vincent Berger, qu'il faudrait qu'on trouve les moyens d'apprendre comment les connaissances au cours de l'histoire des idées se sont imposées comme des connaissances? Absolument. Et non pas simplement comme des croyances. Et oui, parce que elles se sont imposées par des explications, donc expliquer, c'est aussi expliquer l'histoire de l'explication. Et donc, l'explication et la pensée sont vraiment indissociables. La pensée sans explication, c'est du rêve, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Kant, et puis l'explication sans la pensée, c'est de la sophistique. Et donc, les deux vont ensemble. Et quand on parle de science, il faut effectivement reprendre les explications et souvent reprendre les explications historiques. Sinon, on ne sait pas d'où ça vient, finalement. Mais je ne vois pas comment, pour reprendre votre vocabulaire, les scientifiques pourraient échapper au fait d'être à la fois arrogants et humbles. Ils sont arrogants parce qu'ils ont des résultats qui sont spectaculaires, ils font des découvertes qui changent la donne, ouais, qui se sont imposées à eux par des explications ou des faits qui sont cohérents. Ça les rend arrogants et en même temps, ils sont humbles parce qu'ils ne prétendent pas avoir trouvé la vérité puisque précisément, ils la cherchent. Non, mais je crois que l'arrogance, c'est parce que parfois, on a envie de passer en force. On a envie de dire « j'ai raison ». D'abord, les scientifiques étaient souvent les meilleurs à l'école, donc ils ont tendance à penser que tout leur est dû. Ça peut arriver. Ça, c'est une drôle d'explication. Ça arrive, peut-être non, mais ça arrive parfois en France, hein, dans notre pays. Mais c'est pourtant pas être humble, ça veut dire passer du temps. Ça veut dire, par exemple, je prenais l'exemple du réchauffement climatique. Je pense qu'il suffit pas de dire, voilà, on a fait des calculs, on est très très fort, on est très intelligent, on a fait des gros calculs, on arrive au résultat. Le réchauffement climatique est bien d'origine anthropique. On peut reprendre toutes les mesures de concentration de CO2 dans l'histoire que font les spécialistes des paléoclimats, reprendre les données qu'on sait extraire sur les températures, montrer les corrélations entre les concentrations de CO2 et les températures sur toute l'histoire, sur des millions d'années, et expliquer d'où ça vient, cette pensée, comment cette pensée s'est construite. Passer du temps, et pas juste plaquer finalement des résultats de façon trop rapide. Mais pourquoi est-ce qu'on passerait du temps à étudier des phénomènes ou des histoires qui aboutissent à des conclusions dont on n'aime pas qu'elles soient vraies? Vous parliez de Nietzsche tout à l'heure. Nietzsche a écrit dans Humain trop humain, je crois, un petit texte qui s'appelle L'avenir de la science, qu'il conclut en disant le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il procurera moins de plaisir. Autrement dit, si la science nous apprend des choses qui ne nous font pas plaisir, parce que, en l'occurrence, quand on écoute les scientifiques parlant de l'avenir de la biodiversité, de la pollution, du climat, ce qu'ils disent n'est pas très engageant. Pourquoi est-ce qu'on ferait l'effort d'aller étudier ce par quoi ils sont arrivés à ces conclusions? Parce que la science a quand même une qualité, c'est comme on disait, elle est conforme aux observables et elle permet quand même de maîtriser un peu les choses. Je veux pas reprendre, devenir maître et possesseur de la nature, comme maître et possesseur de la nature. Comme. Mais tout de même, il y a des choses qui fonctionnent et c'est mieux de les bâtir sur une conformité au réel. Donc c'est pour ça, c'est au nom de ça qu'il faut faire. Après, c'est vrai que effectivement, la science n'est pas tout, la connaissance n'est pas tout et la science n'est pas tout. Et puis parfois, d'ailleurs, tout un chacun peut préférer son émotion à la vérité. Et vous-même, je pense que s'il y a des cas où vous préférerez votre émotion à la vérité scientifique. Je confirme. Voilà. Il y a une expérience comme ça de la pensée. Une expérience de la pensée, c'est l'expérience des cinq serpents. On vous présente des herpétologues, donc des spécialistes des serpents. Et puis, ils vous disent, voilà, on a pris cinq serpents, on leur a enlevé tout leur venin. En plus, on leur a fait une manipulation génétique. Ils mordent pas. Il n'y a aucun risque, c'est du 100%. C'est des gens qui sont très très connus, les meilleurs dans leur discipline. Les prix Nobel. Les prix Nobel de l'herpétologie, voilà. Donc, votre rationalité, votre confiance dans le système et votre confiance dans la science vous amène à penser que c'est vrai. Et ils vous disent, on va vous enfermer dans des toilettes avec ces cinq serpents. Pendant 10 minutes. Ben, vous aurez peur. Non, j'aurais pas envie d'y aller. Mais vous aurez peur quand même. Donc c'est-à-dire que l'émotion peut quand même... C'est légitime parfois que l'émotion l'emporte sur la vérité scientifique. Mais il faut avoir conscience de ça pour comprendre pourquoi aussi il y a cette résistance parfois. Et pourquoi ces cinq serpents scientifiques. Pourquoi ça marcherait avec un seul. Ça marcherait avec un seul. Non, je sais pas pourquoi les cinq, je sais pas. Pas du tout. Non, puis il y a aussi, oui, la confiance. Mais c'est pareil avec la justice, la confiance dans la justice. C'est légitime moralement si par exemple on accuse votre fils de meurtre, c'est légitime d'essayer de cacher les choses ou de le défendre, même si vous croyez aux idéaux de la justice. C'est le entre la justice et ma mère, je préfère ma mère. Ça n'est pas immoral. Donc, mais voilà. Est-ce que finalement, avec des explications dont les modalités peuvent être très diverses, on n'arrive pas à tout expliquer? Si on veut expliquer quelque chose, on peut y arriver. Bertrand Russell, que on a cité tout à l'heure, disait « Il est assez facile, avec une argumentation pourrie, de démontrer que 1 est égal à 2. » Et cette argumentation ça, ouais. est la suivante. Si 1 est égal à 2, alors je suis le pape. Et comme le pape et moi, ça fait 2, 1 est effectivement égal à 2. Donc on peut tout expliquer. Oui. Non, mais alors c'est marrant parce que c'est dans Sciences et Religions ou... Tout à l'heure, on parlait de causalité. Il y a une note de bas de page de Bertrand Russell dans Sciences et Religions, justement, où il cherche à... il parle de ça, tout expliquer. Et il dit que Saint Augustin... se posait la question, mais pourquoi Dieu a inventé les mouches? Et il était pas content parce qu'il n'arrivait pas à trouver la raison, quoi. Pourquoi Dieu a inventé les mouches? Et Bertrand Russell ajoute que Luther, beaucoup plus tard, a été, je sais plus quel terme il emploie, plus hardi, je crois. Il a compris pourquoi Dieu a inventé les mouches. En fait, il dit non, c'est le diable qui a inventé les mouches pour m'embêter quand j'écris des ouvrages pieux. Comme quoi, on a toujours besoin de trouver une cause. Voilà. On a toujours besoin de trouver une tâche. Est-ce que les métaphores sont des outils utiles pour l'explication? Souvent en physique, par exemple, quand on veut enseigner la relativité ou la physique quantique, qui sont très loin du sens commun, on utilise des espèces de métaphores ou d'analogies qui aident à comprendre, mais qui sont toujours un peu fausses. Oui. Puisque précisément, il n'y a pas d'image juste de la physique quantique. Quand il y a eu la découverte du boson de Higgs en 2012, on a dit, bien finalement, tout se passe comme si dans l'espace il y avait un champ de neige, qui est l'équivalent du champ de Higgs. Les particules ont des skis plus ou moins bien fartés. Celles qui ont des skis bien fartés glissent avec une vitesse égale à celle de la lumière et elles n'ont pas de masse apparente. Celles qui ont des skis mal fartés frottent, ça les freine et elles ont une masse non nulle. C'est une analogie dont on sait qu'elle permet de comprendre l'idée, mais elle est en fait fausse. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des images fausses pour expliquer des choses qui échappent à l'imagerie ordinaire? Oui, on a le droit parce que... Alors, c'est des artifices un peu sophistiques. Mais on a le droit parce que il faut ce mélange entre argumentation et sophistique. Quand on dit expliquer, c'est communiquer du compréhensible. Il y a le compréhensible, donc il faut de l'argumentation, il faut du rationnel. Mais il y a aussi communiquer. Donc il faut que l'autre adhère. Et donc, on a le droit d'utiliser ces petits artifices. Faut pas aller trop loin. Mais on en utilise beaucoup. Il y a effectivement les métaphores, puis il y a aussi la façon dont on présente les choses, où par exemple on centre sur un protagoniste. C'est l'électron, ou alors c'est le photon. Par exemple, quand on veut expliquer la loi d'Ohm, par exemple. Donc la proportionnalité entre le courant et la tension dans une résistance. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, au départ, on avait des circuits électriques, on avait des tas de lois U égale RI, U1, U2, U3, U4, I1, I2, I3, I4, on avait des systèmes d'équations, on résolvait ça. Puis un jour, je me suis demandé, mais pourquoi U égale RI? finalement. C'est quoi cette proportionnalité entre le courant et la tension? Et puis, l'explication qu'on m'a donnée, c'était, bah oui, vous prenez l'électron. L'électron. Il subit une force qui est liée à la tension. En régime stationnaire, comme il y a des frottements, je veux pas être trop technique, mais c'est la vitesse qui est proportionnelle à la force en régime stationnaire. Et donc, la vitesse d'électron, c'est le courant. Et donc, vous avez une tension qui crée un courant proportionnel. Et puis ça m'allait bien comme explication. Puis un jour je me suis dit, mais c'est quoi cette tension? Elle vient d'où cette tension? Elle vient en fait de tous les autres électrons. Mais il n'y a aucune raison pour privilégier mon électron dans ma résistance plutôt que les autres électrons, parce que les autres électrons subissent aussi une force qui est exercée par mon électron, mon protagoniste. Donc on voit bien que il y a un parti pris. Et ça, c'est un fait culturel. Le parti pris de centrer sur un protagoniste pour raconter une histoire. Vous avez la même chose dans le chat Schrödinger. On a le spin, enfin la particule qui arrive, spin up et spin down, qui arrive sur un dispositif avec le marteau qui casse la fiole, etc. Mais on a centré complètement sur la particule qui arrive, qui est spin up et spin down, et on a considéré que l'appareil de mesure était quelque part une substance. Comme tout à l'heure, j'ai considéré que ma tension était une substance. Mais c'est pas vrai. En fait, il y a une interaction croisée entre mon... Donc ça, tout ça, c'est des histoires. Alors c'est peut-être pas des métaphores, mais c'est quand même des histoires qu'on se raconte parce qu'elles marchent bien, en fait. Est-ce qu'on pourrait faire de la physique sans avoir dans la tête, justement, des sortes d'images, d'histoires, d'analogies qui permettent d'avoir une sorte de rapport presque affectif avec la matière dont on s'occupe? Si on avait que les équations, je crois qu'on a besoin de ça quand même. Oui, c'est bien ce que je dis. On a besoin. On a de ce besoin lien. De ça. Oui, on a besoin de. Oui, quelque part, tout le monde fait de la sophistique quand même. Hein. Et on peut pas avoir que des explications avec des équations qui s'enchaînent. On a besoin. Mais je crois que vous parliez de la loi d'Ohm. Il y a un grand physicien qui s'appelle Leggett qui, il y a quelques années, a dit qu'il, a lancé un défi à la communauté des physiciens en disant qu'il fallait essayer d'expliquer la loi d'Ohm à partir des principes de la théorie quantique. Oui. Ex nihilo, en quelque sorte. Et à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait. Oui, alors ça, effectivement, alors je ne sais pas, là je sèche, mais effectivement, je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que l'explication, qu'elle soit scientifique ou autre, va pouvoir survivre au fait que nous sommes assaillis d'informations? Autrement dit, est-ce que les informations ne vont pas dominer le régime intellectuel dans lequel nous allons nous trouver et éliminer l'idée même d'explication? On va recevoir les informations sans pouvoir leur donner une cohérence, ou alors on leur attribue une cohérence qui est extrêmement simplifiée par rapport à la réalité des choses. Autrement dit, est-ce qu'on n'a pas besoin de simplifier notre rapport au monde pour tolérer d'être assailli d'informations qui ne sont pas harmonieuses les unes avec les autres? Je crois qu'il faut rester optimiste. On est aussi peut-être dans une phase où les méthodes, les moyens, les modalités d'information ont beaucoup changé récemment. Et donc, il faut qu'on s'adapte. D'ailleurs, les gens s'adaptent. Tout le monde s'adapte, on s'adapte. Je pense qu'on est moins crédule. Tout à l'heure, je parlais de suspension volontaire de la crédulité pour prendre finalement le contre-pied de la suspension de l'incrédulité dont on parle quand on regarde une fiction. Ben, quand on regarde l'information, il faut une suspension volontaire de la crédulité. Il ne faut pas croire ce qu'on nous dit. On est très méfiant avec toutes les informations. Les médias ont développé d'ailleurs des systèmes pour essayer de démêler le vrai du faux. Ça n'a pas beaucoup de succès, hein, les pages. Tout ça est nouveau. Donc, enfin, il faut rester optimiste. Hein. C'est peut-être trop tôt pour le dire, mais dans la mesure où l'homme est un animal social, donc pour reprendre Aristote, on a besoin de partager des explications du monde, et donc on peut pas aller vers un chaos d'informations qui ne soit pas partagé. Donc, je pense que on va s'adapter à ces nouveaux moyens de ces nouvelles modalités d'informer. Tout le monde va s'adapter et petit à petit. Et ça va sans doute d'ailleurs amener le développement de l'art du doute, la zététique. Et donc ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a une question que le chercheur Vincent Berger que vous êtes aimerait résoudre? Est-ce qu'il y a un phénomène dont l'explication vous échappe et que vous aimeriez résoudre? Alors ça, oui, il y en a plein. En fait. oui, il y en a plein des questions. Sans doute la question qui nous taraude le plus en ce moment, peut-être la plus importante de toutes les questions, c'est la relation avec notre milieu, avec le monde. C'est-à-dire, pas seulement, je parlais du réchauffement climatique tout à l'heure, mais le cycle des matières, le développement durable, il semble qu'on est en train de tirer un peu trop fort sur la planète. Avec bientôt 10 milliards d'individus et avec le niveau de consommation qui est le nôtre, ça passe pas, quoi. Ça passe pas, et pas seulement sur le plan du climat, mais aussi sur le plan de la nature, tout ce qu'on tire de la nature. Et donc, si on dit que le vivant, c'est finalement le développement en relation avec son milieu, avec les ressources de son milieu, il semble que là, on a un peu dépassé les bornes. Et donc, la grande question du moment, pour moi, c'est celle-là. Mais ça veut dire que toute la démarche du XXe siècle était une démarche plutôt réductionniste, analytique. On veut comprendre les constituants élémentaires de la matière. On veut isoler les lois fondamentales. Est-ce que le XXIe siècle, c'est pas plutôt un siècle où on va tenter de comprendre les systèmes complexes qui sont les systèmes réels? Parce que là, il y a une nécessité, si vous voulez, là, sur la planète, sur la biodiversité, sur les ressources. Il y a une nécessité. Donc c'est pour ça que je l'ai cité en premier. Alors après, évidemment, moi, j'aimerais bien savoir d'où vient la masse des neutrinos. J'aimerais bien savoir si on peut réconcilier la relativité générale et la physique quantique. Il y a d'autres questions qui sont ouvertes dans le domaine de la génomique, par exemple. Aussi, il y a beaucoup de questions. L'éternel débat entre l'inné et l'acquis. On va sans doute, avec le séquençage qui est en train de se développer à grande vitesse, on va sans doute avoir énormément de données qui vont nous permettre de comprendre davantage de choses sur le lien entre la génétique et l'individu. Et donc ça aussi, ce sont des grandes questions scientifiques. Et éthique aussi, parce qu'il faut décider de ce qu'on peut faire à partir de ce que la science permet de faire ou la technologie permet de faire. Est-ce qu'à votre avis, Vincent Berger, les scientifiques doivent plus quitter leur laboratoire et expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils savent et ce qu'ils cherchent dans la société, ou est-ce qu'au contraire, ils sont dans des mondes où les modes de communication d'aujourd'hui les empêchent vraiment d'argumenter? Je pense qu'ils ont été un peu surpris par l'évolution des modalités d'échange d'informations, mais je pense qu'ils réagissent. Il y a de plus en plus de jeunes scientifiques qui font des petites vidéos, qui font des choses, qui expliquent des choses. Et puis les scientifiques sont, pour la plupart, beaucoup enseignants également. Ils l'ont toujours été. Comme on le disait au début de l'émission, expliquer et penser, ça va ensemble. Simplement, il faut changer un peu les modalités d'explication et s'adapter au monde moderne. Donc ça, c'est un challenge pour le monde scientifique aujourd'hui. Mais je pense que les scientifiques sont en train de le prendre à bras le corps. Merci Vincent Berger d'être venu nous expliquer ce que vous entendez par le mot explication. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Alain Joubert et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains. Thank you.